La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand il neige, que se passe-t-il ? Les flocons de neige sont des merveilles de géométrie et de symétrie. Ils ont des propriétés communes, par exemple le fait d'avoir 6 branches, mais il n'existe pas deux flocons de neige qui soient strictement identiques l'un à l'autre. Leur promptitude à fondre, les rendant difficiles à étudier, comment parvenir à comprendre leur formation, leur structure, leur étonnante et magnifique diversité? Un jour, quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit « La physique et les mathématiques sont deux disciplines séparées par un langage commun. » Inspiré par cette phrase à la fois profonde et énigmatique, notre question du jour est celle-ci. Les mathématiques accouplées à la physique pourraient-elles nous fournir les bons outils pour fonder une véritable science de la neige ? Pour répondre à cette question triviale, j'ai invité Étienne Gis. Bonjour Étienne Gis. Bonjour, bonjour. Vous êtes mathématicien, vous êtes directeur de recherche au CNRS et surtout vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Nous sommes le 1er mai en direct dans un studio de Radio France et je ne peux m'empêcher de citer le proverbe belge que j'ai appris par l'entremise de mon camarade Nicolas Martin de la méthode scientifique. Quand le merle chante en mai, avril est fini. Mais vous êtes perpétuel, à la différence d'avril. Malheureusement, cette perpétuité, ou heureusement, cette perpétuité n'est pas perpétuelle, puisque depuis maintenant quelques décennies, la perpétuité à l'Académie des sciences ne dure que 6 ans. C'est peu. Donc il faut, c'est peu, mais c'est bien suffisant. Et j'attends avec anxiété le moment où je ne serai plus perpétuel. Vous serez un ex-perpétuel ? Non, je serai un perpétuel honoraire, ce qui est encore plus chic. Je pense qu'on n'a pas inventé plus de titre plus. Perpétuel honoraire. Plus ringard. C'est-à-dire voilà. Que vous l'avez été, mais vous ne l'êtes plus. Exactement. Exactement. Et comment est-ce que vous comprenez, Étienne Gis, en tant que mathématicien, la phrase énigmatique que je citais à l'instant, à savoir. La physique et les mathématiques sont deux disciplines séparées par un langage commun. La première partie de la phrase me dérange puisque j'ai pas envie de les séparer, les mathématiques et la physique. Et puis si on regarde un peu l'histoire des sciences, que vous connaissez aussi bien que moi, vous savez que pendant très très longtemps, il y avait pas vraiment de différence entre mathématiques et physique. Si on regarde par exemple l'Académie des sciences, pendant très longtemps, elle était divisée en deux divisions. Il y avait une division mathématique et une division physique. Mais qu'est-ce que c'était que la division physique ? C'était ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie, la médecine. Donc dans les mathématiques à l'époque, on considérait qu'il y avait l'astronomie et ce qu'on appelle aujourd'hui la physique. Et donc j'ai pas trop envie de mettre des barrières entre mathématiques. Mais pourtant il y a une partie des mathématiques qui n'ont pas d'application en physique. Bien sûr, il y a une grande partie des mathématiques qui se développent pour le plaisir de faire des mathématiques avec peut-être un peu derrière la tête. L'idée qu'un jour, un jour ou l'autre, elles serviront en physique ou dans le monde concret. Mais c'est peut-être surtout une question de motivation. Le mathématicien, qu'on appelle pur d'ordinaire, n'a pas trop de motivation pratique. Mais il n'empêche qu'au bout du compte, il n'y a pas de frontière stricte entre les mathématiques et la physique. Je vais vous obliger à préciser votre position, Étienne Gis, en citant cette phrase d'un prix Nobel de physique, Richard Feynman, qui disait... La physique est aux mathématiques ce que la sexualité, sous-entendu à deux, est à la masturbation. C'est-à-dire qu'il y a la préoccupation de l'autre, en l'occurrence du réel. Oui, et vous, vous intéressez beaucoup aux objets. Il est vrai que moi j'aime bien faire des mathématiques à propos d'un objet. Même si, là on va parler aujourd'hui des flocons, je suis très très loin d'être un physicien, je suis très très loin d'être un expérimentateur. Mais disons que j'aime bien m'appuyer sur un objet pour... fonder ma réflexion. Ça peut être l'objet, ça peut être une surface, ça peut être une courbe, ça peut être un flocon, ça peut être un ballon de football, ça peut être... J'aime bien de commencer sur quelque chose de concret. Et ça vous aide à faire de la pédagogie d'ailleurs, puisque voilà. Vous faites beaucoup de vulgarisation. Tout à fait. Moi je pense que c'est très important de pouvoir présenter les mathématiques à travers des choses concrètes, leur histoire le plus souvent. Avant qu'on parle des flocons, le sujet de ce jour... je voulais qu'on parle un petit peu d'un article de vulgarisation que vous avez écrit, enfin de vulgarisation, pour voir, que vous avez écrit en 2014 au moment de la Coupe du Monde de football au Brésil, à propos du ballon officiel de la Coupe du Monde qui s'appelle le Brazuca. Brazuca. Qui est un surnom qui désigne, enfin c'est de l'argot brésilien pour dire brésilien, je crois. Oui, c'est un nom brésilien qui a été choisi démocratiquement. Il n'y a pas beaucoup de choses au Brésil qui sont démocratiques, mais ça a été, le nom du ballon de football a été choisi démocratiquement. Et puis il a été testé pendant 2 ans, je crois, voilà, par des grands footballeurs, notamment Zidane et Messi. Exactement, exactement. Et vous expliquez que ce ballon, finalement, c'est un cube sphérique, ce qui est une sorte d'oxymoron. Et dans l'article que j'ai lu de vous, vous utilisez le théorème d'Alexandrov-Pogorelov, qui porte, je cite, sur les géométries extrinsèques, sur les surfaces convexes, et vous dites que les ingénieurs de Adidas ont redécouvert ce théorème. Ça veut dire qu'on peut faire des mathématiques très savantes à l'insu de son plein gré. Ah, tout à fait, bien sûr, de nombreuses fois, les mathématiques sont utilisées sans le savoir, et c'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, donc le cube, c'est parce que un cube est formé de 6 faces carrées, n'est-ce pas ? Mais si on prend des carrés qui sont en quelque sorte courbes, c'est-à-dire si au lieu de prendre des côtés qui sont des segments rectilignes, on les remplace par des courbes sinueuses, et si on colle ces pièces un peu courbes, comme si on fabriquait, comme à l'école primaire, un cube en carton, eh bien, par miracle, on fabrique un ballon de football qui est le Brazuca. Et qui est très beau. Qui est très très beau. Qui est plus beau que la plupart des autres ballons qu'on peut voir. Qui est magnifique, absolument magnifique, je trouve, oui. Vous avez un rapport avec le Brésil particulier ? Oui, alors j'aime beaucoup le Brésil pour des tas de raisons, et en particulier pour des raisons mathématiques. Je fais partie d'une génération où on devait aller au service militaire, et je n'ai pas trop envie de porter un fusil, et l'option était de faire ce qu'on appelle la coopération scientifique à l'époque. Et j'ai eu la chance de partir au Brésil et de connaître la vie mathématique brésilienne. J'ai été dans un institut de mathématiques à Rio, et qui est vraiment toute ma formation intellectuelle, une bonne partie de ma formation intellectuelle vient de là-bas. Alors on a parlé du ballon de football, enfin d'un certain ballon de football, mais qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le flocon de neige, si j'ose dire ? Alors ce qui m'a fait tomber dans le flocon de neige, c'est une petite histoire... très simple, il y a à l'Académie des sciences une fondation qui s'appelle La Main à la Pâte et qui a comme mission d'aider les professeurs des écoles à enseigner les sciences. Et cette fondation donne chaque année des prix, non pas à des individus, mais à des classes d'écoles primaires. Et le jour où on remet les prix, eh bien, tous les enfants viennent dans la grande salle des séances de l'Académie des sciences. Et alors, ces grandes salles qui sont habituées à voir des académiciens pas toujours très jeunes, eh bien, ces grandes salles, ce jour-là, accueillent des dizaines et des dizaines de gamins qui courent dans tous les sens. C'est un grand bonheur. Et ce jour-là, on a une conférence, courte, destinée aux écoles primaires. Et on m'a demandé, il y a 3 ans, de faire un exposé de maths pour les écoles primaires. J'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, tiens, je vais leur parler de flocons de neige. Parce que c'est beau. C'est beau, et chaque fois que je vois un flocon, je vois des maths, je vois de la géométrie immédiatement. Donc je me suis dit, je vais leur parler de flocons de neige. Et j'ai tellement de chance que le jour où j'ai parlé de flocons de neige à l'académie, il s'est mis à neiger sur Paris. Donc les enfants étaient excités comme toujours. Il va peut-être neiger tout à l'heure à la fin de cette émission. J'espère que ça s'annonce le 1er mai. Voilà. Et donc ce jour-là, il s'est mis à neiger et j'ai fait ce petit exposé d'un quart d'heure devant ces enfants d'école primaire. Et c'est vraiment un très bon souvenir pour moi. Parce que j'entendais les enfants dire « Oh, oh, c'est beau !» tout ça. Et franchement, ça m'a donné du courage, ça m'a donné envie d'en savoir plus. D'apprendre un peu plus ce qu'est un flocon, d'où ça vient, comment il est fabriqué, tout ce qu'il y a de mathématiques dedans. Et voilà, il faut les regarder de près pour voir qu'ils sont vraiment beaux. Exactement. Non seulement il faut regarder un flocon de près, et pour dire la vérité, depuis quelque temps, je demande autour de moi ce que les gens pensent des flocons de neige. La plupart des gens n'ont jamais regardé un flocon de neige. Il faut les regarder bien, hein. Il faut si possible avoir une loupe, hein. Il faut sortir avec une loupe dans la rue, puis regarder le flocon. Et puis, il faut se presser aussi. Il faut se presser, parce que ça fond. Et puis il y a une troisième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que disait le photographe Bentley, dont je parle dans mon livre, c'est que ils ne sont pas tous beaux. Il faut les chercher convenablement. Et Bentley disait, il faut en chercher environ 1000. Pour en voir un qui mérite d'être photographié. C'est un peu comme quand on se promène sur la plage et qu'on ramasse des coquillages. Bon, la plupart d'entre eux ne sont pas bien terribles, quoi. Il faut en chercher un joli. Il y a un physicien que vous citez dans le livre qui s'appelle Kenneth Liebrecht, qui dit des flocons de neige qui sont la beauté secrète de l'hiver. Est-ce que, d'où vient qu'on associe les flocons de neige à Noël? Parce qu'il n'y a pas des flocons partout sur la Terre à Noël. Moi, ma petite théorie, c'est que c'est monsieur Bentley dont je parle, un des chapitres de mon livre parle de ce monsieur Bentley. Bentley était celui qui est mort à cause d'une tempête de neige. Voilà, voilà. Monsieur Bentley était un paysan qui habitait dans le Vermont aux États-Unis. Et puis, il aimait la neige. Ça se passe au 19e siècle. Il arrive à convaincre sa maman d'acheter un appareil photo auquel il voulait associer un microscope ou une loupe. Et puis, il fait des photos de neige, mais magnifiques, absolument magnifiques, avec juste le but de la montrer, de montrer ses photos aux enfants, justement. Donc, il faisait des... Dans mon bouquin, je montre quelques-unes de ces photos. Oui, c'est somptueux. Et comment est-ce qu'il somptueux. Faisait? Parce qu'il faut un certain temps de pause. Exactement. Il a passé 40 ans à faire des photos. Et ces photos sont magnifiques. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je trouve intéressant aussi, qui n'était pas du tout scientifique. Les photos, il les retouchait pour qu'elles soient plus belles. Ce qu'un scientifique n'a pas le droit de faire, n'est-ce pas? Quand on prend une photo, il faut la montrer telle qu'elle est. Mais lui, il les retouchait pour qu'elle soit belle. Et il les projetait sur un écran dans sa ferme. Et il faisait des spectacles pour les enfants. Et ces livres qu'il a publiés avec ses photos de flocons ont eu tellement de succès. Que j'ai lu plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits, on dit que c'est peut-être lui qui est à l'origine du symbole culturel du flocon comme symbole de Noël. Alors, il est le premier à les avoir photographiés, je crois, mmh. Enfin, avec telle qualité d'image, voilà. En tout cas, mais il n'est pas le premier à les avoir dessinés. Non, alors qui les a dessinés en premier? Alors, le dessin, ça dépend si on appelle dessiner ou imaginer ou dessiner de manière correcte. Donc, on est du côté du 15e siècle, un évêque suédois qui s'appelait Olaf Manson. Moi, je trouve ça aussi une histoire intéressante. C'est les guerres de religion. Il est expulsé de son pays. Il se retrouve en Italie. Et il se retrouve là-bas, à Rome. Et puis à Rome, les gens autour de lui commencent à se moquer des pays du Nord en pensant que c'est des barbares. Hein, les Game of Thrones derrière les Game of Thrones de l'époque. Et lui, il décide d'écrire un livre. Mais ce livre, c'est une BD. C'est absolument extraordinaire. C'est un livre qui ne contient que des gravures sur bois magnifiques où il explique tout ce qu'on fait dans le Nord. Et en particulier, il y a un chapitre sur la neige. Parce qu'il vit en Italie, en fait. Il se réfugie en Italie. Voilà, il est réfugié. Il est à Rome. Et il publie son livre, Histoire des gens du Nord. Hein, et il montre de jolis dessins pour expliquer comment c'est et comment toute la culture qu'il y a dans le Nord. Et en particulier, il dessine des flocons de neige. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que tous les dessins sont faux. Tous. Il y en a un qui est correct, j'en sais rien. Mais ouais, il y a une étoile à six branches quand même. Il y a quand même une étoile à six branches, mais le reste, c'est incroyable. Mais c'est comme s'il n'en avait jamais vu, en fait. Je pense que ça veut dire qu'il n'en a jamais vu, ou tout au moins ça veut dire qu'il a vu qu'il y en avait beaucoup. C'est déjà pas mal. Non, mais il en dessine qui ont la forme d'une lune, ce qui est absurde. Il dessine des choses incroyables, une lune, une main, voilà. Donc c'est le premier qui a dessiné. Ou fait croire qu'il dessinait. Fait croire qu'il avait dessiné, voilà, c'est tout à fait intéressant. Et ensuite, vous parlez de Kepler, qui est un grand nom associé au flocon de neige, avec un petit livre absolument incroyable. Moi, j'adore. Il est le premier à avoir remarqué qu'ils ont six branches. Voilà. Moi, j'adore Kepler, pour des tas de raisons. Pas seulement l'astronome, j'adore l'homme qui lutte contre la nature. C'est très différent de... Vous êtes un spécialiste de Galilée, Kepler, etc. J'aime pas Galilée, moi. Mais j'aime bien Kepler. On en reparlera. On en reparlera. Mais j'aime bien Kepler, parce que Kepler est un homme qui, contrairement à Galilée, ne cherche pas les honneurs. Oh, n'est-ce pas? Il les a mérités. Voilà. Il les méritait tous les deux. Voilà. D'ailleurs, ils ont correspondu sous forme d'anagramme. Ils ont correspondu sous forme d'anagramme, mais à ma connaissance, Galilée ne répondait pas aux lettres de Kepler. Oui, mais... Kepler traduisait les anagrammes de Galilée et il les traduisait mal, c'était pas la version initiale, mais il les traduisait d'une façon qui devenait une nouvelle vérité astronomique. Exactement. Découverte bien plus tard. Exactement. En tout cas, Kepler est... Pas de querelle, on va pas se disputer là-dessus. Kepler, en tout cas, est vraiment le premier, à mon avis, qui a regardé les flocons comme un scientifique. Il a regardé ça, il a vu des choses, il a posé des questions. Par exemple, la question pourquoi 6? Pourquoi 6? 6 branches. Pourquoi 6 branches, hein? Ou alors, question encore plus intéressante, me semble-t-il, pourquoi ils sont plats? Et pourquoi ça pousse pas comme un oursin ou... Et il réfléchit à ces questions, donc il pose la question. Et souvent, les gens ne savent pas que le plus difficile en science, c'est souvent de poser les bonnes questions. Hein. Peut-être parfois plus difficile que de trouver des réponses. Et il propose des solutions. Alors, bien sûr, à cette époque, on est très très loin de toute théorie atomique. Hein. On n'a absolument aucune idée de la nature atomique de l'eau, de la glace. Sauf chez Galilée. En tout cas, Kepler a l'intuition que la glace, que les flocons sont formés de petites entités qui sont des petits disques qui s'empilent les uns autour des autres sous forme hexagonale. Et en tout cas, ce petit livre de Kepler, franchement, je le recommande à n'importe quel étudiant en sciences en première année pour voir l'enthousiasme qu'il y a dans un article scientifique, les questions qu'il pose, les réponses qu'il propose. Puis sa conclusion est extraordinaire. Dans sa conclusion, il dit c'est dans 100 ans qu'on pourra comprendre la nature des flocons. Il se trompait, c'est pas dans 100 ans, c'est dans 400 ans. Et puis il dit c'est la chimie du futur de répondre aux questions que je pose. C'est incroyable. Une sorte d'intuition. Non, c'est une intuition, voilà. Mais il utilise quand même un théorème de géométrie bien connu. Oui. C'est qu'on peut, si on prend une pièce d'un euro, par exemple, ou d'ailleurs de 2 euros, de n'importe quelle somme, en fait, autour on peut mettre 6 autres pièces de même rayon qui touchent cette pièce et qui se touchent entre elles. Alors c'est intéressant parce que cette propriété géométrique très très très très élémentaire, hein, qu'on peut vérifier. On peut vérifier. Quand j'étais à l'école primaire, je dessinais des rosaces avec mon compas. Hein, et cette propriété mathématique très très élémentaire, en fait, presque personne ne la connaît. Dans la rue, vous demandez aux gens, ils n'ont jamais réfléchi à ça. Qu'on peut mettre 6 pièces de monnaie autour d'une pièce. Exactement, et pas 7, 6. Mais alors, quand on prend une balle, c'est-à-dire quand on prend un objet qui a un certain volume, une sphère, vous dites qu'on a su répondre à la question combien de balles on peut mettre autour d'une balle de même taille que tout récemment en 1953. Voilà. Alors qu'on, et c'est 12. C'est très intéressant. Mais donc, pourquoi on n'a pas fait l'expérience? On peut faire l'expérience, mais c'est pas un théorème. On peut démontrer que c'est 12 et pas 13. Alors. Donc voilà, je vais préciser la question parce que c'est une question intéressante qui justement montre la différence entre les mathématiques et la physique. Ah bah il y en a une. Hein, voilà. Donc voilà, prenez une balle de billard et puis vous cherchez à mettre d'autres balles de billard autour de la première balle de billard de façon à ce qu'elle touche la première. Combien on peut en mettre? Alors dans le cas de la pièce de monnaie, on peut en mettre 6 et ça marche parfaitement. Elles vont se toucher. On voit bien qu'on peut pas en mettre plus parce qu'elles se touchent deux à deux. Mais avec des balles de billard, on voit qu'on peut en mettre 12. C'est facile. Mais il reste un peu de jeu. Elle se touche pas. Elle se touche pas. Il y a un peu de jeu. Et si on regarde le jeu qui reste, après tout, il y a peut-être assez d'espace pour en mettre une 13e. Mais si on peut pas la mettre, c'est qu'on Alors, peut pas. On peut essayer de la mettre. On peut essayer avec des vraies boules de billard. On peut tenter de le faire. Et on n'y arrive pas. Donc on a l'impression que ça sera 12 et pas 13. Mais ça n'est pas une certitude. Et ça a été démontré mathématiquement. Et ça a été démontré mathématiquement dans les années 50, si je me souviens bien. 53. Et je me souviens, je crois bien qu'il y a un article célèbre qui décrit ce théorème et qui commence par la phrase suivante. Tous les physiciens savent bien et la plupart des mathématiciens pensent que. Voilà. C'est-à-dire, c'est un exemple intéressant puisque, évidemment, on peut tenter de mettre des boules de billard, on va pas y arriver, mais n'empêche, c'est pas pour autant une démonstration. Mais revenons à Kepler. Oui. Il se pose des questions étonnantes. Il remarque que tous les flocons ont cette propriété universelle d'avoir 6 branches. Il se demande, mais comment chaque branche sait qu'il y en aura 5 autres? Oui. Et il attribue une âme aux flocons. Oui. Mais quand on y pense un peu, quand on réfléchit à ce qu'est la vie, il a fallu attendre très longtemps avant qu'on comprenne ce qu'est la vie. J'entendais ce matin encore en parler ma co-secrétaire perpétuelle Pascal Cossard qui parlait à France Inter de la question de savoir si un virus est un être vivant ou pas. C'est des questions fondamentales. Qu'est-ce que le vivant? Eh bien, pendant très longtemps, on a cherché des définitions du vivant et la chose la plus proche du vivant tout en étant minéral, ce sont les cristaux. Un cristal, c'est quelque chose qui, bien sûr, n'est pas vivant, mais qui s'approche du vivant dans la mesure où il peut, d'une certaine manière, se reproduire. Et à l'évidence, Kepler, quand il regarde ces cristaux de neige, il voit qu'ils se développent, qu'ils grandissent, qu'ils se reproduisent, en quelque sorte. Il a l'impression de voir quelque chose de vivant, et il leur attribue même une âme, de la même manière qu'il attribue aussi une âme aux planètes. Donc, bien sûr, on est dans une époque très lointaine de la science. où tout est religieux, tout est relié à Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu par derrière? Et en particulier, il se pose la question, ces fameuses six branches, est-ce qu'elles communiquent? Et c'est pas aux physiciens que vous êtes que je vais expliquer que l'apparition de la symétrie dans des systèmes désordonnés est une chose extraordinaire dont on parle encore aujourd'hui. La brisure spontanée de symétrie. Brisure de symétrie, bien sûr. Est-ce que tous les flocons sont plats, comme le pensait Kepler? Est-ce qu'on peut en faire qu'ils soient volumiques? Et est-ce qu'il existe une taille limite? Alors, les flocons sont presque tous plats, mais pas tous. Quand on regarde la manière dont un flocon grandit lors de sa croissance, il y a une croissance, disons, dans une direction planaire qui va privilégier la platitude du flocon, mais il y a aussi une croissance dans la direction perpendiculaire à ce plan, qui est en général beaucoup plus faible. Mais dans certaines conditions atmosphériques très particulières, il peut arriver que la direction perpendiculaire est privilégiée, et alors on voit des flocons qui ont une géométrie incroyable, qui ressemble un peu à des haltères, des espèces de petites barres hexagonales avec deux plaques de chaque côté. Donc il peut arriver que le flocon ne soit pas plat. Mais c'est très rare. Étienne Gis, vous êtes mathématicien, vous vous intéressez aux flocons de neige et aux travaux des mathématiciens sur les flocons de neige. Vous venez de parler des cristaux de neige. J'ai une petite anagramme pour vous, qui a été trouvée par Olivier Garcia. L'anagramme de les cristaux de neige. Je pense qu'elle va vous plaire. Ça donne... C'est même pas la peine que je vous donne du temps. Non, c'est même pas la peine. Ça donne intégrale des cieux. Ah, magnifique, magnifique. Intégrale des cieux. Ouais, vous parliez tout à l'heure de ces anagrammes dans l'histoire des sciences, où les scientifiques s'envoyaient comme ça des petites... Pour protéger leurs propriétés. Il y a des histoires très belles entre Newton et Leibniz. Hein. Absolument. Et alors, on a parlé de Kepler, et il faut aussi parler de Descartes, je pense, qui parle des flocons, lui aussi. Hein. Il y a un phénomène de mode. Oui. Et lui, qui est partisan des idées claires et distinctes, par ailleurs, là, il produit du charabia. Il produit un méli-mélo. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Météores, que je vous recommande pas de lire, parce qu'on n'y comprend rien. Tous les dessins sont faux, et son charabia est assez imbuvable et je crois assez désagréable. Visiblement, il a appliqué sa méthode philosophique de ne pas faire confiance à ses sens. Quoi. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était tellement fier de sa méthode que tout je suis, je pense donc je suis, qu'il pensait qu'il pouvait comprendre les flocons de neige sans même sortir de chez lui, je pense tout simplement. Alors on va dire qu'il a rendu hommage à une autre anagramme. Flocons de neige, ça donne glose inféconde. Ah, exactement. Robert Hooke, que vous citez également, alors lui, il a réussi à les regarder avec un microscope. Alors, ça ne devait pas être facile. Comment fait pratiquement pour capter un flocon de neige? Le mettre sur la lamelle d'un microscope avant qu'il fonde. Alors, Hooke est un personnage remarquable aussi, hein, de l'époque de Newton. C'est l'un des premières générations de la Royal Society. Il avait une mission incroyable. Il devait montrer, je crois, une fois par semaine ou peut-être deux fois par mois, j'en sais rien. Sa mission était de présenter un phénomène nouveau à l'Académie. Et donc, à quelle fréquence? Je crois que c'était deux fois par mois. Il devait se présenter et montrer aux académiciens, aux fellows de la Royal Society, quelque chose de nouveau. Et il a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Micrographia, avec des dessins somptueux. C'était un des premiers microscopes. Il regardait tout ce qu'il pouvait, hein, des petites poussières, des fourmis. Et puis il a regardé des flocons, il a dessiné des flocons. Mais j'ai quelques doutes. Parce que les images de Hooke sont un peu trop belles, là aussi. J'ai comme l'impression qu'il a ajouté de la symétrie là où il n'y en avait pas forcément. C'est-à-dire? Je crois qu'il a amélioré ses... Je les ai sous les yeux, en effet. Vous montrez une reproduction de ce livre. Magnifique, d'ailleurs. Oui, hein. Oui, oui, c'est très, très beau. Donc, vous dites que si c'est beau, c'est que c'est embelli. J'ai l'impression, parce que comme vous dites, hein, des flocons... Mais contrairement à Descartes, il respecte la symétrie. Exactement. Mais comme vous dites, les flocons, ça fond, donc c'est vraiment pas facile à prendre en photo. J'aurais aimé qu'on puisse voir sur ces gravures, c'est pas des photos, bien sûr, c'est des gravures. J'aurais aimé y voir quelques petits défauts, et je n'en vois pas, ce qui me semble très, très étonnant. Et lui, il pensait qu'ils étaient parfaits au moment de leur formation. et qu'il s'abîmait pendant la chute. Voilà. C'est une deuxième explication. Il est possible que les dessins qu'il a faits, les gravures dans son livre, il essayait non pas de dessiner ce qu'il avait vu, mais ce qu'il pensait qu'était la forme initiale du flocon avant qu'elle ne tombe de son nuage. Donc c'est un peu une extrapolation. Il voit un dessin abîmé et il essayait de dire comment ça devait être quand c'était parfait dans le nuage. Voilà. Mais ça m'amène à une question immédiatement, Étienne Gis. Quand ils tombent, les flocons, est-ce qu'ils changent de taille, de forme, de structure ? Bon, alors le flocon, donc il... On n'a pas filmé des flocons encore, enfin, non, pas non. Sur des grandes... Ah, non. Bon, les flocons... Est-ce qu'avec des drones, on pourrait pas... Peut-être, voilà, ça serait une bonne idée. Non. Les flocons, bon, bien sûr, ils sont formés dans un nuage, et puis ils grandissent à l'intérieur du nuage, et puis à un moment, ils deviennent trop lourds pour être soutenus par le vent, et ils tombent, voilà. Et quand ils tombent, ils se détériorent, ils fondent progressivement. On parlait tout à l'heure du Brésil, donc j'ai eu l'occasion de parler de flocons de neige à des lycéens brésiliens. Ça doit leur faire drôle. Les pauvres, ils n'ont jamais vu de flocons. Mais je leur dis, rassurez-vous, il neige tous les jours au-dessus du Brésil, sauf que les flocons tombent du nuage, et comme il fait 35 degrés dehors... Donc vous avez augmenté leur frustration. Exactement, vous ne pouvez pas les voir, les flocons tombent et ils sont fondus. Et vous parlez aussi d'un personnage étonnant... Alors, vous dites un pêcheur de baleines, c'est plutôt un chasseur de baleines, non ? Qu'est-ce qu'on dit ? On les pêche, on les chasse plutôt, non ? On chasse ? Je crois qu'on chasse les baleines. Voilà, bon, alors on va dire chasseur. Alors, qui est-il, ce monsieur étonnant ? C'est un explorateur, donc un baleinier, qui... Né en 1789, mort en 1857. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la plupart des gens que je présente finissent leur vie ou sont très très fortement influencés par la religion. Ce monsieur qui a dessiné des flocons pendant toute sa vie est retourné en Angleterre et est devenu un clergyman, si je me souviens bien. Il a passé un doctorat de théologie. Il a passé un doctorat de théologie. C'est très très impressionnant, mais ça, on le sait bien dans l'histoire des sciences, que le rôle de la religion, des religions, a toujours été central. Et il faut attendre très très longtemps avant de trouver des scientifiques pour lesquels la religion n'a pas ou peu d'influence. Il y a quand même une île au nord de la Norvège qui porte son nom, et il y a un cratère de lune qui porte également son nom. Exactement, donc, c'est quand même pas mal. Laissé une trace assez importante. Voilà. Et lui donc a dessiné, un peu comme ceux qu'on vient de citer. Oui. Mais sans se tromper, lui, il a fait des jolis dessins, plus précis. Ouais, non, ça a mis du temps, hein, depuis Olaf Monson et ses flocons dessinés en forme de lune, jusqu'aux photographies magnifiques de Liebrecht dont on parlait, il y a eu des progrès. Hein. Mais ça ressemble à des décorations militaires. Militaires. Enfin, oui, c'est-à-dire que quand on regarde les planches dont vous montrez une reproduction dans votre livre, Étienne Gis, on a l'impression de médailles. Ah, des médailles. Ah, voilà une bonne idée. Voilà. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, on a l'habitude d'écouter une chanson, oui, ou un morceau de musique, et on va entendre celle que vous avez choisie. Je vous laisse la présenter. Elle vient du Brésil. Oui, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le Brésil, donc on va écouter une chanson de Tom Jobim qui s'appelle Águas de Março, donc les eaux de Mars, qui a d'ailleurs été traduite en français par Moustaki. Et c'est une chanson qui marque les grandes pluies qui arrivent à la fin de l'été au Brésil, et changement de saison, et Tom Jobim était dans une période un peu difficile de sa vie, et puis voilà, c'est très très poétique, c'est très beau, et beaucoup de Brésiliens considèrent que c'est la plus belle chanson brésilienne qui ait jamais été écrite. Alors on va l'écouter peut-être. Allons-y. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga também, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é com essa ribeira das águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta. É um ponto, é um pingo, pingando. É uma conta, é um conto, é um chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, ida, ol, ponte, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Étienne Gisseur, c'est joli, hein. On sent qu'une partie de votre âme est au Brésil. Bah oui, parce que je me posais la question de savoir si le Brésil était dans des latitudes avec plus de neige, est-ce que Tom Jobim aurait écrit la même chanson ? Je pense pas. Hein. Alors on a beaucoup parlé du 19e siècle et avant de le quitter, on va parler d'un couple d'artistes, les Gleischer. Gleischer, oui. Marié et femme. Oui. Avec une certaine différence d'âge. Oui. Lui plutôt scientifique, elle plutôt artiste. Oui, lui est un scientifique reconnu, puisqu'il a été président de sociétés de météorologie, etc. Donc c'est un peu naturel qu'il regarde la neige et qu'il écrive des livres sur la météorologie, c'est tout à fait normal. Et puis sa femme est totalement inconnue, on est au... Cécilia, c'est elle qui fait les dessins. Et puis, maintenant, on sait que c'est elle qui faisait ses dessins, mais on sait aussi que monsieur a publié ses livres sans citer sa femme. Et c'est tout à fait symptomatique de cette époque où les femmes n'avaient aucun accès à l'enseignement scientifique. Et pourtant, les dessins de Cécilia sont absolument magnifiques. Ouais, ils ont l'air justes. Ils ont l'air mais justes. Elle les a enjolivés. Elle les a aussi enjolivés. Elle en a fait des œuvres alors, d'art. C'est assez drôle puisque quelqu'un m'a fait remarquer que j'ai essayé de trouver quelques contributions féminines dans l'histoire des flocons. On n'en trouve pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes dont je parle, en fait, elles font leurs expériences non pas comme Bentley, dont je parlais tout à l'heure, qui sort à l'extérieur pour aller prendre des photos de flocons. Les femmes restent à la maison. Et elle regarde les flocons qui se déposent sur les vitres. Exactement. Elle reste à l'intérieur de la maison et elle regarde les flocons qui se déposent sur les vitres. Mais et elle dessine longtemps. Depuis l'intérieur. Il faut faire vite, il faut bien observer. On voit des esquisses de dessins qu'elle fait, qu'ensuite elle peaufine, mais elle essaie de saisir. Voilà, on voit qu'elle prend l'esquisse du dessin, puis après elle note les symétries, elle complète l'objet. Et même parfois, elle ajoute des couleurs qui ne sont pas tout à fait les couleurs qu'on espère. Il y a du rouge. C'est un peu le début. Il y a du rouge, par exemple. Je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, cette histoire de flocons est un joli mélange de science, d'histoire, d'art, de poésie, de photographie. Donc on voit qu'au 19e, il y a une association entre le flocon, la science, l'art. Tout à fait. Et au 20e, on va faire des études, 20e siècle. On va faire des études de physique proprement dites, qui vont révéler des choses. La vraie physique moins rigolote. Mais vous dites aussi qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans les flocons. Oui. Et c'est vrai pour d'autres propriétés concernant l'eau, qui est quand même quelque chose d'assez familier, mais qui pose encore des questions graves. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Mpemba. Non. C'est un effet qui a été découvert en 1963 par un lycéen. Il y a des lycéens qui font des découvertes. Magnifique. Il s'appelait Erasto, il s'appelle toujours, il est député maintenant en Afrique du Sud, il s'appelle Erasto Mpemba. Alors qu'il était jeune homme, il a découvert par hasard que de l'eau chaude peut geler plus vite que de l'eau froide. Tiens. C'est un phénomène paradoxal, puisque avant de geler, l'eau chaude doit d'abord devenir froide. Bah oui. Et on parle d'un effet Mpemba qu'on peut reproduire chez soi d'ailleurs. Et il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées pour essayer de comprendre ce phénomène paradoxal. La première, c'est l'évaporation. Une partie notable de l'eau chaude s'évapore pendant le refroidissement, ce qui a pour effet de diminuer la masse qui doit être réellement refroidie. Mm-hmm. Mais ça marche pas parce que, enfin, cette explication ne marche pas. Car le phénomène a également été vérifié en utilisant un récipient clos, ce qui démontre que l'évaporation n'est pas une explication suffisante. Alors, il y a des chercheurs qui évoquent ou invoquent la teneur en gaz dissous, qui n'est pas la même dans l'eau chaude que dans l'eau froide. D'autres avancent encore d'autres pistes d'explication, sans qu'aucune n'ait vraiment convaincu, de sorte que plus de 60 ans après qu'il a reçu son nom, l'effet Mpemba continue de faire tourner les physiciens en bourrique. Magnifique. Peut-être qu'il faudrait des mathématiciens pour les aider. Bah voilà, comme pour les flocons. J'ai écrit une petite phrase un peu méchante à un moment quand j'ai dit quand un physicien tombe sur un os, il faut qu'il appelle un mathématicien. Non, voilà. Vous dites quand un système est trop complexe, le physicien fait appel au mathématicien. Voilà, ça c'est pas très gentil. C'est pas juste. C'est pas gentil. C'est pas... Alors en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord les physiciens qui s'y intéressent en envoyant des rayons X par exemple sur les cristaux ou les flocons, puis ensuite les mathématiciens vont les aider grâce à des simulations, des invocations de théorèmes de géométrie. Voilà. Alors est-ce qu'on peut donner quelques grands noms qui ponctuent cette histoire ? Simulation, c'est pas forcément le nom. Moi, je préfère dire modélisation. Quand on regarde un phénomène comme la croissance d'un flocon, on se rend compte très rapidement que la physique qui est en jeu est très très complexe. Il y a de la thermodynamique hors de l'équilibre, des choses qu'on ne maîtrise que partiellement. Hein. Donc c'est évident que le physicien il est face à un phénomène qu'il ne peut pas décrire complètement. Et c'est là que je dis en plaisantant qu'on a besoin du mathématicien, puisque le mathématicien va nettoyer tout ça et créer une espèce de modèle probablement caricatural. Idéal. Comment ? Idéal. Voilà, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec la réalité concrète. Hein, donc, j'en montre dans mon bouquin un ou deux petits modèles extrêmement naïfs. Et puis, ces trucs, probablement, ne rendent pas compte de la réalité physique. Mais on peut s'amuser avec ce petit modèle et fabriquer comme ça des flocons. J'allais dire fabriquer, non. Fabriquer sur un écran d'ordinateur des flocons virtuels. Puis voir si ça a une chance de ressembler à ce qu'on voit dans la nature. C'est plus de la physique, c'est quelque chose qui est parallèle à la physique. On essaye de faire des modèles. Mais il y a quand même l'ambition de découvrir des mécanismes physiques à partir de la prise en compte. De trouver un mécanisme simple qui puisse peut-être expliquer ou rendre compte de la croissance des cristaux. Et dans mon livre, j'en montre deux qui fabriquent des flocons, ma foi, bien joli et qui ressemble, qui fabrique, c'est le mot est pas bon, qui fabrique sur l'écran. Et d'ailleurs, il y a la blague de ces physiciens, de ces mathématiciens, Griffith et comment il s'appelle, Griffith et je sais plus qui, et qui font sur leur écran des flocons qu'ils appellent des snowflakes, parce que ce sont des flocons virtuels. Et il faut être bien malin pour... Est-ce qu'on dit snowflake pour les flocons en anglais ? Pour un flocon en anglais, oui. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que j'ai un peu triché. Hein. Le vrai nom, c'est un cristal de neige. Un flocon de neige, c'est autre chose. Un flocon de neige, c'est ce qu'on reçoit dans la main quand il neige. Et quand on regarde ce qu'on a dans la neige, dans la main, c'est pas un cristal, c'est quelques cristaux qui se sont entremêlés. Hein. Donc, un flocon de neige est formé... Ça peut être une dizaine de cristaux qui se sont... Donc il n'a pas la symétrie des cristaux. Non. Donc pour être très honnête, j'aurais dû parler plutôt de cristal de neige, mais c'est peut-être un peu moins poétique. Voilà. Donc je reviens à ça. Donc il y a les snowflakes qui sont aussi beaux, assez difficiles à distinguer des vrais snowflakes. Et voilà. Et quand on voit ça, le mathématicien est content parce qu'il a fait quelque chose de très simple, qui va peut-être donner un petit coup de pouce à son collègue physicien pour lui dire où ça se passe, quels sont les phénomènes de base qui sont les plus importants. Mais le physicien peut aussi aider le mathématicien, on est d'accord, c'est de la collaboration symétrique. Bien sûr. Il peut par exemple envoyer des rayons X sur les cristaux de neige et voir comment ça se structure à l'intérieur. Bah, c'est une histoire magnifique, parce que là aussi, c'est à moitié des maths et à moitié de la physique. On envoie des rayons X sur un cristal de neige. Ou un cristal. Au début du XXe siècle. Oui, tout à fait. On envoie des rayons X sur un cristal, de n'importe quoi d'ailleurs. On met une plaque photo derrière et puis on voit des formes, des figures. Et puis on se doute bien que les figures rendent compte d'une manière ou d'une autre de la nature interne, microscopique, atomique du cristal qu'on est en train d'observer. Mais après, il y a un travail, et pour le coup, j'oserais dire de mathématiciens, de revenir en arrière à partir de la photographie, de faire ce qu'on appelle une analyse inverse, de retrouver quelle était la nature de l'objet qu'on a photographié. Et ça, c'est magique, aussi, parce que l'image ne ressemble pas à l'objet. Pas du tout. Et son analyse mathématique permet de savoir quelle est la structure de l'objet. Voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est que les outils qu'on utilise pour passer du cristal à son image photographique ou de l'image photographique au cristal, c'est ce qu'on appelle les transformés de Fourier. Et Fourier, était-il un mathématicien, était-il un physicien? Je n'en sais rien. Voilà, c'est encore un exemple où les deux sont intimement liés. Mais par exemple, c'est évident que le passage de la photographie, qui représente ces courbes assez jolies en fait, pour dire « Ah, le cristal il était fait comme ci ou comme ça », là c'est un travail de mathématiques. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas espérer aller encore plus loin? C'est-à-dire, on regarde un cristal de neige plutôt, oui. On fait son image par diffraction de Bragg, c'est comme ça qu'on appelle ce fameux procédé à l'aide de rayons X, on fait de la cristallographie finalement. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas remonter aux conditions de formation du flocon en question, enfin du cristal en question, température, humidité? Ça, j'en doute, puisque ça c'était un rêve. Peut-être un jour. Ça, c'était le rêve de cet autre physicien dont je parle dans ce livre, qui avait fabriqué, pour le coup, c'est fabriqué concrètement des flocons dans une espèce de cylindre. Il avait une espèce de cylindre. Ah, dedans, monsieur Nakaya. Nakaya, oui. Alors, c'est monsieur. Il a fait des flocons artificiels. Flocons artificiels. Alors, lui, c'est très simple. Hein. Il avait une espèce de grande boîte. Dedans, il mettait de la vapeur d'eau. Et puis, la vapeur d'eau, il pouvait régler la pression comme il voulait. Il pouvait régler la température comme il voulait. Et puis, il engendrait la création d'un cristal de neige. La chose intéressante, c'est que pour commencer la croissance du flocon, il faut bien un petit début de quelque chose. Et il a compris que le plus simple était de mettre un poil de lapin. Donc son poil de lapin était le point de départ d'un flocon. Tout est venu, l'idée du poil de lapin. Bah, il a dû essayer un peu tout, hein, comme Edison quand il cherchait qu'est-ce qu'il fallait mettre dans une ampoule pour faire une ampoule lumineuse. Je crois qu'il avait même essayé un poil de barbe, si je me souviens bien. Il a essayé, quoi. Hein. Et ça marche avec le lapin. Et ça marche avec le lapin. Et voilà. Et donc il a fabriqué comme ça des flocons artificiels et il a pu regarder quelle était la forme du flocon artificiel comme fonction des conditions dans lesquelles ils ont été créés, en fonction de la température, l'humidité, etc. Et il a construit ce qu'on appelle le diagramme de Nakaya. C'est un diagramme planaire. Alors, magnifique. C'est même dans un 41 familles. Voilà, il y a des familles. Alors, la coordonnée horizontale, l'abscisse, on montre la température. Coordonnée verticale, l'ordonnée, on met l'hygrométrie. Et puis, en fonction de ces conditions, on voit à quoi ressemble le flocon. Et ce qui lui a permis de faire une jolie phrase que j'aime bien. Hein. Il dit les flocons sont comme des lettres qui nous viennent des nuages. Ça, c'est approximatif. C'est approximatif. Il a dit. Voilà. Non, mais moi je cite votre livre. Mieux que vous ne le faites. La différence, c'est que Étienne Klein a mon livre sous les yeux et pas moi. Les flocons de neige sont comme des lettres en provenance des cieux. Exactement. Ce qui nous ramène à l'intégrale des cieux de tout à l'heure. Exactement, magnifique. Et alors, est-ce que. Voyons comment. Cela dit, il l'a dit en japonais. Hein. C'est pas une excuse. Maintenant qu'on sait comment faire des flocons artificiellement. Est-ce que ça aide à comprendre comment ils se forment naturellement dans les nuages? Est-ce qu'on comprend tout de la naissance des flocons? On comprend essentiellement comment ça marche, mais on ne comprend pas dans les détails. Alors peut-être que je peux faire un petit résumé rapide de la manière dont ça se passe. Bon, d'abord, il y a un petit nuage humide qui monte en altitude, la température baisse, et puis dans ce nuage, il y a de l'eau sous les trois formes. Il y a l'eau sous forme liquide, des petites gouttelettes microscopiques. Il y a de l'eau gazeuse, de la vapeur d'eau. Donc les molécules d'eau dansent indépendamment les unes des autres. Et puis il y a des petites cristaux de glace qui commencent à se former. Et puis il y a une espèce de mécanisme qui fait que les petites gouttelettes d'eau s'évaporent en vapeur d'eau qui va finalement se coller sur les cristaux de glace en formation, qui eux-mêmes sont soumis au vent, ce qui se promène un peu dans le nuage. Ce phénomène de croissance se fait progressivement, et puis ça grandit, et un jour, à un moment, le flocon est trop lourd, et il tombe. Voilà la croissance. Alors on comprend à peu près bien ce phénomène, mais au niveau microscopique, pour dire les choses clairement, la physique est compliquée, il y a des équations, on comprend des choses, mais on ne comprend pas tout. Vous savez que les Inuits, par exemple, les Esquimaux, ont un nombre très grand, et les Népalais aussi, ouais, de noms différents pour désigner la neige. Est-ce que la diversité des types de neige qu'ils perçoivent est une sorte d'écho de la diversité que peuvent avoir les flocons de neige? Je n'en sais strictement rien. Merci pour cette excellente question, mais ce n'est pas la réponse. C'est bien dommage. Mais ce qui est marrant, parce que beaucoup de gens me disent c'est quand même incroyable, pourquoi il y a tant de flocons de neige Mais ma réponse est assez claire. Il y a pas deux êtres humains qui sont pareils. Il y a aussi beaucoup. Sauf qu'on n'est pas fabriqué de la même façon. Il y a pas d'ADN chez les cristaux. Ah, on en revient à l'âme. Non, mais aux lois physiques. Tout à fait. Aux lois physiques. En l'occurrence, les lois de la thermodynamique, j'imagine, entre autres. Et d'ailleurs, il y a une infinité de. Enfin, il n'y a pas deux cristaux qui soient identiques, mais d'après ce que j'ai compris, en 1951. La Commission internationale de la neige et de la glace, ça existe, qui s'appelle maintenant l'Association internationale des sciences cryosphériques, a classé les cristaux en 7 catégories distinctes. Plaquettes, étoiles, colonnes, aiguilles, dendrites, boutons de manchette et particules irrégulières, complétées par la neige roulée, la grêle et la neige en grain. Et en 1966, cette commission internationale a répertorié 80 types morphologique différent des cristaux de neige dans ces différentes catégories. Ça, c'est la suite de Nakaya. Hein. Le premier qui avait fait cette classification, c'est Nakaya. Et cette classification a été précisée par la suite, comme vous venez de le dire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste à comprendre? Alors, je vais vous dire ce que j'aimerais, moi, comprendre. Certes, il y a une infinité de formes de flocons, on l'a dit, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Mais quand même, il y a des propriétés générales de ces flocons qui font que, par exemple, le diagramme de Nakaya dont on parlait tout à l'heure est essentiellement bidimensionnel. En gros, on peut décrire un flocon de neige, en gros, avec deux paramètres. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Température et humidité. Voilà, pour simplifier. C'est un peu plus subtil que ça, mais c'est en gros ça. Ce qui m'intéresserait vraiment, ça serait pour me mettre un peu dans mes mathématiques habituelles, interpréter tout ça en termes de système dynamique. D'essayer de comprendre l'évolution du cristal de neige dans son petit nuage, qui suit une dynamique, il y a beaucoup de systèmes dynamiques dans la nature, et on sait depuis un certain temps maintenant qu'il y a ce phénomène d'attracteur. Peut-être que vous avez déjà vu cet attracteur de Lorentz qui représente le papillon de Lorentz, qui lui aussi est essentiellement bidimensionnel. Oui, c'est votre grand sujet. C'est mon sujet, le papillon de Lorentz. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien... C'est un alliage de géométrie et de système dynamique. Exactement. Moi, j'aimerais bien être capable de démontrer que la dynamique inhérente à la fabrication des flocons converge, en quelque sorte, vers un attracteur. Et cet attracteur, on va l'appeler attracteur de Nakaya. Donc, j'aimerais être capable de montrer que les flocons vont s'organiser, certes, d'un nombre infini de manières, mais j'aimerais montrer qu'ils puissent s'organiser sous la forme d'un attracteur qui pourrait ressembler à quelque chose comme l'attracteur de Lorentz. Et qu'est-ce qui vous manque? D'ailleurs, quels sont les outils dont vous disposez? Alors, je sais que vous faites des mathématiques très, très savantes, très compliquées, mais comme vous êtes soucieux de pédagogie, je formule le vœu que vous essayiez quand même de nous expliquer à la radio en quoi ça consiste. Bien, regardez, revenons à l'attracteur de Lorentz. Lorentz essayait de comprendre le mouvement de l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est la même chose. Ça dépend d'un nombre infini de paramètres. Si on veut décrire l'état actuel de l'atmosphère aujourd'hui, 1er mai à 16h49, ça dépend d'une infinité de paramètres. Et pourtant, l'atmosphère évolue. Et l'intuition de Lorentz a été de dire que cette évolution, qui est gouvernée par des équations dites de Navier-Stokes, cette évolution est extrêmement compliquée, mais Lorentz a eu l'idée que quand même, elle converge, elle s'agrée, elle va s'approcher d'un attracteur probablement de petite dimension. C'est ça que je préfère. J'aimerais faire la même chose avec, avec les flocons. J'aimerais démontrer que les flocons, dans leur évolution, même s'ils appartiennent, pour les décrire, il faudrait un nombre infini de paramètres, j'aimerais démontrer qu'elles s'approchent, qu'elles s'accumulent sur un attracteur de dimension finie et pourquoi pas deux. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites que quand un problème devient trop compliqué pour un physicien, il faut faire appel à un mathématicien. Ben oui, ben d'ailleurs, c'est... Parce que l'attracteur, est-ce qu'on peut le définir pour nos auditeurs? L'attracteur de Lorentz? Oui. Ah non, l'idée même d'attracteur. Ah, voilà. L'idée d'attracteur, c'est que lorsqu'un système évolue, quand tout va bien, il se stabilise sur une position d'équilibre. Si vous faites osciller un pendule qui va osciller tranquillement, puis finalement, à cause des frottements, il va finir par s'arrêter, il s'arrête dans une position d'équilibre stable. Mais il arrive parfois que les phénomènes soient plus complexes, et dans ce cas-là, ils ne s'arrêtent pas sur une position stable, ils vont s'arrêter sur quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est un attracteur. Donc c'est cet attracteur qu'il s'agit de comprendre. Est-ce qu'il y a toujours un moment quand on fait des mathématiques où on finit par ne plus comprendre? On ne comprend plus ce qui se passe derrière les symboles, derrière les figures, où la pensée cale sur ses propres limites. Je vous pose la question parce que j'ai trouvé cette citation de Russell, qui était logicien, mathématicien et prix Nobel de littérature, ce qui est quand même pas si fréquent, philosophe. Il dit, en mathématiques, on ne sait jamais très bien de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Ben c'est bien vu, c'est bien vu. Alors, bien entendu, si on dit ça... C'est choquant, parce qu'un théorème est vrai, s'il est démontré. Un théorème est vrai, s'il est démontré à partir d'une certaine quantité d'axiomes initialement choisis. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, la vérité. Je ne crois pas qu'on a le temps de faire un débat sur la vérité en mathématiques. Mais ce que je veux dire sur la... Est-ce qu'il y a un moment où on ne comprend plus? Ben oui, la plupart du temps, on ne comprend pas. Mais en revanche, il y a une chose que je voudrais signaler, c'est quelque chose comme disait un étudiant la semaine dernière. C'est un étudiant qui fait un doctorat avec moi et il m'explique que il comprend tout. Ce qu'il voulait comprendre, il l'a compris. Et maintenant, il a compris que c'est trop simple. Et il est désolé. Parce qu'il dit, mais ça n'a pas d'intérêt que j'écrive ça, parce que c'est trop facile. Et je pense que c'est une situation assez habituelle chez le mathématicien. On est dans le noir complet, on ne comprend rien, puis tout à coup, on comprend que c'était très simple. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire de toute chose qu'on a compris ce qu'elle est simple? Ben oui, en gros, c'est ça, quoi. Ça devient tellement simple qu'on n'a plus envie d'en parler. Hein. Mais la joie de la découverte, c'est justement ce quand moment, la complexité voilà. devient quelque voilà. chose qu'on peut dire simplement. Exactement. Et on parlait tout à l'heure de Kepler, là, son grand livre sur les planètes. Commence par une description de son activité intellectuelle et il écrit « J'étais comme une chauve-souris qui se battait la tête contre les murs hein ». Donc voilà, il y a toute cette période où on ne comprend rien, rien du tout. Et puis à un moment, il y a une petite lumière qui s'allume et si elle s'allume trop, ça devient tellement simple que parfois on a l'impression que ça n'a plus d'intérêt. Est-ce que vous avez eu vous-même des moments d'eureka? Ça ressemble à ça. Oui, malheureusement pas souvent, mais ça m'est arrivé. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais un eureka, c'est pas forcément une découverte, c'est le fait de comprendre des choses que d'autres avaient comprises avant. Oui, tout à fait, oui. Mais bien sûr, ça arrive, oui. Alors, il y a un de vos collègues, Micha Gromov, qui a eu la médaille Fields. Non. Non, il n'a pas eu? Ah non, c'est un des scandales de ce siècle. Vous voyez, j'ai essayé de réparer. Il n'a pas eu la médaille Fields, je croyais. Non. Il n'a pas eu. La médaille Fields a une. Parce qu'il est trop vieux, peut-être. Non. Il aurait pu l'avoir quand il avait bien avant. Disons qu'il avait le malheur d'être soviétique. D'accord. Mais il disait, lui, le grand problème pour nous, c'est. Pour nous, les mathématiciens, c'est la nature des lois physiques. Oui. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que les lois physiques sont une façon commode que nous avons d'écrire les phénomènes ou est-ce qu'elles ont une ontologie dans le monde physique? Est-ce qu'elles existent vraiment? Et comment se fait-il que les objets physiques leur obéissent? Je suis étonné que Micha Gromov dise ça parce que... Il a dit les trois grands problèmes, c'est... J'ai oublié les deux autres, mais il y a celui-là. Ah oui. Est-ce que je peux dire Joker? Bien sûr. C'est une question trop difficile pour moi. Bon. Et alors, votre académie, pour revenir à elle, elle a 200 ans? Elle 350 ans. Pardon, mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Napoléon? L'Académie des sciences a été, alors je vais faire très rapide historique, a été fondée en 1666. Et puis, pendant la Révolution française, la Convention a décidé qu'on n'avait pas besoin des académies et a supprimé toutes les académies. Il y a eu une renaissance. Donc, elle a été supprimée en 1793. Et puis, 2 ans plus tard, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée de se séparer des savants. Et on a créé l'Institut de France en 1795. Et en 1797, nous avons élu Napoléon Bonaparte, dont on parle beaucoup. Napoléon, qui n'était pas encore... Il était membre de l'Académie il était des membre, sciences. Il était, à l'époque, il n'y avait pas l'Académie des sciences, il y avait l'Institut de France. Que l'Institut. Donc, la première classe s'occupait de sciences. Il a été élu à 28 ans. Il a été élu à 28 ans, exactement. Alors qu'il n'avait rien fait en sciences. Il n'avait absolument rien fait en sciences. Rien du tout. Il a été élu contre 11 autres candidats, dont une bonne dizaine étaient bien plus importants que lui en sciences. Ouais. Et en plus, vous me disiez avant l'émission que le vote a été faussé par une erreur de calcul. Oui, c'est intéressant, puisqu'à l'époque, les élections à l'Institut... se faisait en suivant un processus assez étonnant qu'on appelle la méthode de Borda, qui consiste pour les électeurs non pas à choisir une personne, mais à ordonner les candidats dans l'ordre, classer les candidats, et ensuite on fait des calculs savants pour savoir qui va gagner. Et donc les calculs sont tellement compliqués que j'ai pu vérifier la semaine dernière que tous les calculs qui ont été faits pour élire Bonaparte étaient faux. Mais j'ai quand même l'impression qu'il aurait été élu quand même. Mais est-ce que vous pouvez nous certifier que ce genre d'erreur ne se reproduit plus aujourd'hui? Que aujourd'hui, avez corrigé la chose? Aujourd'hui, on a des ordinateurs. Il y a quelque temps, je recevais à ce même micro Hervé Le Tellier. Oui. Avant qu'il ait son prix Goncourt. Il a été mathématicien lui oui, aussi. Je sais, oui. Mmh. Il a écrit une série d'aphorismes assez croustillants, notamment celui-ci que je vous livre. Il y a 3 sortes de gens. Il y a ceux qui savent compter... et ceux qui ne savent pas. Ça, c'est très drôle, parce que c'est pas lui qui l'a écrit. Hein. C'est une blague très connue dans le monde des mathématiques. Ah bon. Mais ce qui est drôle, c'est que ça ne fait rire que les mathématiciens. Hein. Non, j'ai ri. Très bien. Alors, comme vous le savez, le temps qui nous est imparti dans cette émission est comme un flocon de neige, il a fondu. Et donc, je vous remercie, Étienne Gis, d'être venu en direct nous parler des flocons de neige. Je recommande très vivement la lecture de votre livre, qui est paru chez Odile Jacob il y a quelques semaines, La petite histoire des flocons de neige, qui va passionner tous ceux qui le liront. Merci, Étienne. Merci, Étienne. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Élise Le, et à la réalisation Anna Holweck. Tout de suite, c'est-à-dire vraiment maintenant, pour ne pas dire immédiatement, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.